Le temps passe et les gens changent. Tu sais peut-être pas, mais ton action m'a rendu très méchant. Et puis je me casse, je n'attends pas après les gens. On fait grave les caves, mais on est très très intelligent. Il ment, je touche la drogue à des prix tentants. Regarde-moi, il m'en ne baisse pas la tête, ma grand. Danse avec moi, ah, ah. Danse avec moi, et moi. Oh, je te le dis à chaque fois, il m'a c'est en bas consultant. Il m'a fait des affaires, donc si tu barres, c'est tout qu'on prend. Il m'a à la maison, tu vas rester jusqu'à quand? Il m'a, je te connais, s'il y a des ennemis, pas de balle à blanc. Il m'a, toujours t'as des plans. Et moi, tout le monde te serre la main quand t'as la tête sur le banc. Et moi, c'est le plus petit des grands. Il m'en a pas ton temps, il m'a dans sa sacoche toujours trop d'argent. Il m'a ne sait pas s'il va finir dans les bras de Bella. S'il va la regarder le soir en lui disant ma chérie t'en fais pas. Et moi, il m'a. Et moi je sais pas si je vais finir dans les bras de là. Si je vais la regarder le soir en disant ma chérie t'en fais pas. Et moi, et moi, et moi il est toujours dans les temps. Et moi il a sa petite location au mariage des grands. Et moi il n'a pas ton temps. Et moi c'est ton cœur qui avait s'en fout de l'argent. Il est calme, mais c'est la cité plus qu'avant. Il m'a du cran. Il m'a en pièce quand il met les gants.